le baron, Perdican son fils, maître Blasius, gouverneur de Perdican, maître Bridaine, curé, Camille, nièce du baron, dame Pluche, sa gouvernante, Rosette, sœur de l'aide de Camille, paysans, valets, etc. Acte 1er, scène 1. Une place devant le château. Le cœur des paysans. Doucement bercé sur sa mule fringante, Messer Blasius s'avance dans les bleuets fleuris, vêtu de neuf, l'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son triple menton. Salut, maître Blasius. Vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique. Maître Blasius. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais. Le cœur. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, maître Blasius, le vin est bon, vous parlerez après. Maître Blasius. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine, de façon de parler si belle et si fleurie qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est à livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qui ne vous dise comment cela s'appelle, en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez de grands yeux, grands comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins qu'il a colorié d'encre de toutes les couleurs, de ses propres mains, et sans en rien dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur à moi qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, mes bons amis, apportez une chaise que je descende un peu de cette mule-ci sans me casser le cou. La bête est en soi peu rétive et je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Le cœur. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican, et il n'était pas besoin du moment qu'il arrive de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme, maître Blasius? Ma foi, l'écureuil est vide. Je ne croyais pas avoir tant bu. Adieu. J'ai préparé en trottant sur la route 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à mon seigneur. Je vais tirer la cloche. Il sort. Le cœur. Durement cahoté sur son âne essoufflé, Dame Pluche gravit la colline. Son écuille est transie, gourdine à tour de bras le pauvre animal qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre, avec le vent qui fait jaunir les bois. Dame Pluche. Un verre d'eau, canaille que vous êtes! Un verre d'eau et un peu de vinaigre. Le cœur. D'où venez-vous, Pluche, mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet de gâté et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Dame Pluche. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre express de Monseigneur pour venir, en son temps et lieu, recueillir comme faire se doit le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée, et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si colombe que cette chère nonne. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise, ainsi soit-il. Rangez vos canailles. Il me semble que j'ai les jambes enflées. Le cœur. Défripez-vous, honnête Pluche, et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont secs comme vos tibias. Dame Pluche. Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Tenez-moi la main pour descendre. Vous êtes des butors et des malabris. Le cœur. Mettons nos habits du dimanche et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse bombance est dans l'air aujourd'hui. Scène 2. Entre le baron, maître Bridaine et maître Blasius. Le salon du baron. Le baron. Maître Britaine, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à midi 8 minutes, 21 ans comptés. Il est docteur à quatre boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Britaine, curé de la paroisse. C'est mon ami. Maître Blasius saluant. À quatre boules blanches, seigneur. Littérature, botanique, droit romain, droit canon. Le baron. Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette et revenez au coup de la cloche. Maître Britaine. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur. Le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Le baron. Cela est impossible, Maître Britaine. J'en suis sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sentait le vin à faire peur. Le baron. Brisons-la. Je vous répète que cela est impossible. Vous voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Britaine, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier, à 7 heures de nuit, parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Britaine, curé de la paroisse. C'est mon ami. Dame Pluche saluant. Du meilleur couvent de France, seigneur, et je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Le baron. Allez, dame Pluche, réparez le désordre où vous voilà. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Dame Pluche sort. Maître Britaine. Cette vieille demoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Le baron. Pleine d'onction et de componction, Maître Britaine. Sa vertu est inattaquable. Maître Britaine. Mais le gouverneur sent le vin, j'en ai la certitude, le baron. Maître Britaine, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contrarier. Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Maître Britaine. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses, le baron. Je les ai, Britaine. Elles sont sur ma table dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Vous savez que j'ai eu de tout temps la plus profonde horreur pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit me forcent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est impossible de faire le bonheur des hommes en général et de ses vassaux en particulier, sans donner parfois à son valet de chambre l'ordre rigoureux de ne laisser entrer personne. Qu'il est austère et difficile le recueillement de l'homme d'État, et quel plaisir ne trouverais-je pas à tempérer par la présence de mes 2 enfants réunis. La sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Maître Britaine, ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Le baron. Voilà où je vous attendais, Britaine. J'étais sûre de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà? Oui, Britaine, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers. Et, Maître Britaine, je me tais, la reconnaissance me ferme la bouche. Le baron, regardez par cette fenêtre, ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Mes 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Oh, je me fais une fête de voir comment ils s'aborderont, ce qu'ils se diront. 6 000 écus ne sont pas une bagatelle. Il ne faut pas s'y tromper. Ces enfants s'aimaient d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. Britaine, il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner, sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami, tout en vidant quelques coupes joyeuses, vous savez le latin, Britaine. Ita et Paul, par Dieu, si je le sais. Le baron, je serais bien aise de vous voir entendre ce garçon discrètement, s'entend devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-le parler un peu latin. Non, pas précisément pendant le dîner, cela deviendrait fastidieux. Et quant à moi, je n'y comprends rien, mais au dessert, entendez-vous? Britaine. Si vous ne comprenez rien, monsieur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Le baron, raison de plus, ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Bridaine? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Bridaine. Je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Le baron, je les connais, Bridaine. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment à avoir de la poudre aux yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent afin d'en gober davantage. Perdicant entre d'un côté, Camille de l'autre. Bonjour, mes enfants. Bonjour, ma chère Camille, mon cher Perdicant. Embrassez-moi, embrassez-vous. Perdicant. Bonjour, mon père. Ma sœur bien-aimée, quel bonheur. Que je suis heureux. Camille. Mon père et mon cousin, je vous salue. Perdicant. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Comme te voilà métamorphosée aux femmes. Je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est hier que je t'ai vue. Pas plus haute que ça. Le baron. Vous devez être fatigué, la route est longue et il fait chaud. Perdicant. Oh mon Dieu, non. Regardez donc, mon père, comme Camille est jolie. Le baron. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Camille. Excusez-moi. Le baron. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdicant. Perdicant. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non l'amitié. Camille. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Le baron à Maître Bridaine. Voilà un commencement de mauvais augure. Et Maître Bridaine au baron. Trop de pudeur est sans doute un défaut, mais le mariage lève bien des scrupules. Le baron à Maître Bridaine. Je suis choqué, blessé. Cette réponse m'a déplu. Excusez-moi, avez-vous vu qu'elle fait mine de se signer? Venez ici un peu que je vous parle. Cela m'est pénible. Au dernier point, ce moment qui devait m'être si doué est complètement gâté. Je suis vexé, piqué. Diable, voilà qui est fort mauvais. Maître Bridaine, dites-leur quelques mots. Les voilà qui se tournent le dos. Le baron. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie? Camille, regardant un tableau. Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grand-tante à nous? Le baron. Oui, mon enfant, c'est ta bisaïeule, ou du moins la sœur de ton bisaïeul, car la chère dame n'a jamais concouru pour sa part, je crois, autrement qu'en prière à l'accroissement de la famille. C'était, ma foi, une sainte femme. Camille. Oh oui, une sainte. C'est ma grand-tante Isabelle. Comme ce costume religieux lui va bien. Le baron. Et toi, Perdicant, que fais-tu là devant ce pot de fleurs? Perdicant. Voilà une fleur charmante, mon père. C'est un héliotrope. Le baron. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Perdicant. Cette petite fleur, grosse comme une mouche, a bien son prix. Maître Bridaine. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Il vous ravira en extase en vous détaillant les phénomènes de ce petit brin d'herbe, depuis la racine jusqu'à la fleur. Perdicant. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve qu'elle sent bon. Voilà tout. Scène 3, devant le château. Entre le cœur. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, mes amis, et asseyons-nous sous ce noyer. Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château, Maître Bridaine et Maître Blasius. N'avez-vous pas fait une remarque? C'est que lorsque deux hommes, à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Par la bonne raison que les contraires s'attirent, qu'un homme grand et desséché aimera un homme petit et rond, que les blonds recherchent les bruns réciproquement, je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence. Tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gloutons, mais ils sont gourmets. Tous deux se disputeront à dîner, non seulement la quantité, mais la qualité. Si le poisson est petit, comment faire? Et dans tous les cas, une langue de carpe ne peut se partager. Et une carpe ne peut avoir deux langues. Item, tous deux sont bavards, mais à la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans s'écouter ni l'un ni l'autre.

Maître Bridaine. Regardez, monseigneur, le voilà, au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Le baron. Une jeune paysanne. Mon fils vient-il ici pour débaucher mes vassales? Une paysanne sous son bras et tous les gamins du village autour de lui. Je me sens hors de moi. Maître Bridaine, cela crie vengeance, le baron. Tout est perdu. Perdu sans ressources. Je suis perdu. Bridaine va de travers. Blasius sent le vin à faire horreur. Et mon fils séduit toutes les filles du village en faisant des ricochets. Il sort. Acte 2, scène première. Entre Maître Blasius et Perdicant. Maître Blasius. Seigneur, votre père est au désespoir. Perdicant. Pourquoi cela? Maître Blasius. Vous n'ignorez pas qu'il avait formé le projet de vous unir à votre cousine Camille. Eh bien, je ne demande pas mieux. Cependant, le baron croit remarquer que vos caractères ne s'accordent pas. Cela est malheureux, je ne puis refaire le mien. Rendrez-vous par là ce mariage impossible? Je vous répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille. Allez trouver le baron et dites-lui cela. Seigneur, je me retire. Voilà votre cousine qui vient de ce côté. Maître Blasius sort. Entre Camille. Perdicant. Déjà levée, cousine. J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Camille. Parlons sérieusement, Perdicant. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre, je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Camille. Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Perdicant. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Camille. Je n'aime pas les attouchements. Perdicant lui prenant la main. Donne-moi ta main, Camille, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas, et c'est une raison pour nous haïr. Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Pourquoi nous marier? Voilà ta main, et voilà la mienne. Et pour qu'elles restent unies, ainsi, jusqu'au dernier soupir. Crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Camille. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château demain. Hier, tu as refusé de faire un tour de jardin parce que tu voyais en moi un mari dont tu ne voulais pas. Reste ici quelques jours. Laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Camille, je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non, mais je veux partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu. J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois et causer de bonne amitié une heure ou deux. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Il sort. Camille, à Dame Pluche qui entre. Dame Pluche, tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Mon tuteur a-t-il fini ses comptes? Dame Pluche. Oui, chère Colombe, sans tâche. Le baron m'a traité de pécor hier et je suis enchantée de partir. Camille. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez avant le dîner de ma part à mon cousin Perdicant. Dame Pluche. Seigneur mon Dieu, est-ce possible? Vous écrivez un billet à un homme? Camille. Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Dame Pluche, le seigneur Perdicant sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé, miséricorde, serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Camille. Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Elles sortent. Scène 2.

Mais, monseigneur, veuillez vous rappeler. Sortez, monsieur l'abbé, et ne reparaissez jamais devant moi. Il est déraisonnable d'agir comme vous le faites, et ma gravité m'oblige à ne vous pardonner de ma vie. Il sort. Maître Blasius le suit. Entre Perdicant. Perdicant. Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger, tant soit peu cavalière, pour une fille de 18 ans. D'un autre, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Ah, diable! Je l'aime, cela est sûr. Après tout, qui sait? Peut-être, elle aurait peut-être une leçon. D'ailleurs, il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. D'une part, elle a beau être jolie, cela n'empêche pas qu'elle n'ait de manière beaucoup trop décidée et un ton trop brusque. Je n'ai qu'à n'y plus penser. Il est clair que je ne l'aime pas. Cela est certain qu'elle est jolie. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Et où vais-je donc? Ah, je vais au village. Il sort. Entre Maître Béden. Que font-ils maintenant? Hélas, voilà midi. Ils sont à table. Que mangent-ils? Que ne mangent-ils pas? J'ai vu la cuisinière traverser le village avec un énorme dindon. L'aide portait les truffes avec un panier de raisins. Maître Blasius. Oh, disgrâce imprévue! Me voilà chassé du château et par conséquent de la salle à manger. Je ne boirai plus le vin de l'office. Je ne verrai plus fumer les plats. Je ne chaufferai plus au feu de la noble cheminée mon ventre comme pieux. Maître Blasius. Pourquoi une fatale curiosité m'a-t-elle poussé à écouter le dialogue de Dame Pluche et de la nièce? Pourquoi ai-je rapporté au baron tout ce que j'ai vu? Briden. Pourquoi un vain orgueil m'a-t-il éloigné de ce dîner honorable où j'étais si bien accueilli? Que m'importait d'être à droite ou à gauche? Blasius. Hélas, j'étais gris, il faut en convenir, lorsque j'ai fait cette folie. Briden. Hélas! Le vin m'avait monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Blasius. Il me semble que voilà le curé. Briden. C'est le gouverneur en personne. Blasius. Oh, oh, monsieur le curé, que faites-vous là? Briden. Moi, je vais dîner. N'y venez-vous pas? Blasius. Pas aujourd'hui. Hélas, maître Briden, intercédez pour moi. Le baron m'a chassé. J'ai accusé faussement mademoiselle Camille d'avoir une correspondance secrète. Et cependant, Dieu m'est témoin que j'ai vu ou que j'ai cru voir Dame Pluche dans la luzerne. Je suis perdu, monsieur le curé. Maître Briden, que m'apprenez-vous là? Hélas, hélas, la vérité, je suis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille. Que parlez-vous, messire, de bouteilles volées à propos d'une luzerne et d'une correspondance? Je vous supplie de plaider ma cause. Je suis honnête, seigneur Briden. Oh, digne seigneur Briden, je suis votre serviteur. Briden à part. Ô fortune, est-ce un rêve? Je serai donc assis sur toi, ô chaise bienheureuse. Maître Blasius, je vous serai reconnaissant d'écouter mon histoire et de vouloir bien m'excuser, brave seigneur, cher curé. Briden. Cela m'est impossible, monsieur. Il est midi sonné et je m'en vais dîner. Si le baron se plaint de vous, c'est votre affaire. Je n'intercède point pour un ivrogne. À part, vite, volons à la grille. Et toi, mon ventre, arrondis-toi. Il sort en courant. Blasius seul. Misérable Pluche, c'est toi qui paieras pour tous.

Elle doit retourner aujourd'hui au couvent dont elle est venue. Mais je crois que le Seigneur, son cousin, s'est consolé avec Rosette. Hélas, la pauvre jeune fille ne sait pas quel danger elle court en écoutant les discours d'un jeune et galant seigneur. Dame Pluche entrant. Vite, vite, qu'on selle mon âne. Le cœur. Passerez-vous comme un songe léger, ô vénérable dame? Allez-vous si promptement enfourcher de rechef cette pauvre bête qui est si triste de vous porter? Dieu merci, chère canaille, je ne mourrai pas ici. Le cœur. Mourez au loin, Pluche mamie, mourez inconnue dans un caveau malsain, nous ferons des vœux pour votre respectable résurrection. Dame Pluche. Voici ma maîtresse qui s'avance. Chère Camille, tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne est batté. Camille. Allez au diable, vous et votre âne, je ne partirai pas aujourd'hui. Elle sort. Le cœur. Que veut dire ceci? Dame Pluche est pâle de terreur. Ses faux cheveux tentent de se hérisser. Sa poitrine siffle avec force et ses doigts s'allongent en se crispant. Dame Pluche. Seigneur Jésus, Camille a juré. Scène 5, entre le baron et Maître Bridaine. Seigneur, dit Maître Bridaine, il faut que je vous parle en particulier. Votre fils fait la cour à une fille de village. C'est absurde, mon ami. Je l'ai vu distinctement passer dans la bruyère en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Cela est monstrueux. Soyez-en convaincus. Il lui fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Oh, ciel! Considérable, Bridaine. En quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence, c'est la chaîne d'or qu'il portait à son bonnet. Passons à mon cabinet, je ne sais à quoi m'en tenir. Ils sortent. Entre Camille et Pluche. La chambre de Camille. Camille. Il a pris ma lettre, dites-vous? Oui, mon enfant, il s'est chargé de la mettre à la poste. Allez au salon, Dame Pluche, et faites-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Dame Pluche sort. Il a lu ma lettre, cela est certain. La scène du bois est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et jouer l'indifférent malgré son dépit. Ah, est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Elle lève la tapisserie. Oui. Puis-je entrer? Camille, écoute mon enfant. Le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin? Où donc? Ne fais pas l'hypocrite, ce matin à la fontaine, dans le petit bois. Vous m'avez donc vue? Pauvre innocente. Non, je ne t'ai pas vue. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il a promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ses promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc. Mais pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas, mon enfant. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes, pauvre fille. Il ne t'épousera pas. Et la preuve, je vais te la donner. Rentre derrière ce rideau, tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Rosette sort. Camille seule. Moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? La pauvre fille a le cœur pris. Entre Perdican. Bonjour, cousin. Asseyez-vous. Perdican. Quelle toilette, Camille! À qui en voulez-vous? Camille. À vous, peut-être. Je suis fâchée de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'avez demandé. Vous aviez quelque chose à me dire? Perdican à part. Voilà sur ma vie un petit mensonge assez gros pour un agneau sans tache. Je l'ai vu derrière un arbre écouter la conversation. Oh!

ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien. Père Dican, très bien. Et beaucoup mieux qu'en épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cet enfant s'est évanoui, nous la ferons bien revenir. Il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre. Tu as voulu me prouver que j'avais menti une fois dans ma vie. Cela est possible, mais je te trouve hardi de décider à quel instant. Viens, aide-moi à secourir Rosette. Ils sortent. Scène 7. Entre le baron et Camille. Le baron. Si cela se fait, je deviendrai fou. Camille, employez votre autorité. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement, voilà qui est certain. Vous devriez lui parler et lui faire entendre raison. Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval et je ne paraîtrai pas une fois à la cour. C'est un mariage disproportionné. Jamais on n'a entendu parler d'épouser la sœur de l'aide de sa cousine. Cela passe toute espèce de borne. Camille, faites-le appeler. Et dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie et il ne résistera pas. Le baron. Je serai vêtue de noir cet hiver, tenez-le pour assurer. Camille. Mais parlez-lui au nom du ciel. C'est un coup de tête qu'il a fait. Peut-être n'est-il déjà plus temps. Oh, s'il en a parlé, il le fera. Le baron. Je vais m'abandonner à ma douleur. Dites-lui s'il me demande que je suis enfermée, que je m'abandonne à ma douleur de le voir épouser une fille sans nom. Il sort. Camille, ne trouverais-je pas ici un homme de cœur? En vérité, quand on en cherche, on est effrayé de sa solitude. Entre Père Dican. Eh bien, cousin, à quand le mariage? Père Dican. Le plus tôt possible, j'ai déjà parlé au curé et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément. Qu'en dira votre père? Tout ce qu'il voudra, il me plaît d'épouser cette fille, c'est une idée que je vous dois et je m'y tiens. Faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune, elle est jolie et elle m'aime. C'est plus qu'il n'en faut pour être trois fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit ou qu'elle n'en ait pas, j'aurais pu trouver pire. On criera, on raillera, je m'en lave les mains. Il n'y a rien là de risible, vous faites très bien de l'épouser. Mais je suis fâchée pour vous d'une chose, c'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Père Dican. Vous êtes fâchée de cela? Oh, que non, Camille. Si, j'en suis vraiment fâchée pour vous. Cela fait du tort à un jeune homme de ne pouvoir résister à un moment de dépit. Père Dican. Soyez donc fâchée. Quant à moi, cela m'est bien égal. Camille. Mais vous n'y pensez pas. C'est une fille de rien. Père Dican. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Camille. Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis son habit neuf et ses souliers pour venir ici. Le cœur vous lèvera au repas de noces et le soir de la fête, vous lui ferez couper les mains et les pieds comme dans les contes arabes parce qu'elle sentira le ragoût. Père Dican. Vous verrez que non. Vous ne me connaissez pas quand une femme est douce et sensible, fraîche, bonne et belle. Je suis capable de me contenter de cela. Oui, en vérité, jusqu'à ne plus me soucier de savoir si elle parle latin. Camille. Ah, il est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous l'apprendre. C'est 3000 écus de perdu. Père Dican. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. Camille. Ce sera vous qui vous en chargerez, du moins pour les pauvres d'esprit. Père Dican. Et ils me donneront en échange le royaume des cieux, car il est à eux. Camille. Combien de temps durera cette plaisanterie? Père Dican. Quelle plaisanterie? Camille, votre mariage avec Rosette. Père Dican, bien peu de temps, Dieu n'a pas fait l'homme pour une œuvre de durée, une trentaine ou quarantaine d'années tout au plus, Camille. Je suis curieuse de danser à vos noces. Père Dican. Écoutez-moi, Camille, voilà un temps de persiflage qui est hors de propos. Camille. Il me plaît trop pour que je le quitte. Père Dican. Je vous quitte donc vous-même, car j'en ai tout à l'heure assez. Camille. Ah, allez-vous chez votre épousée? Père Dican. Oui, j'y vais de ce pas. Donnez-moi le bras, j'y vais aussi. Entre Rosette. Père Dican. Te voilà, mon enfant. Viens, je veux te présenter à mon père. Rosette se mettant à genoux. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi. Et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Camille, tu es une bonne fille, Rosette. Garde ce collier, c'est moi qui te le donne. Et mon cousin prendra le mien à la place. Quant à un mari, n'en sois pas embarrassée, je me charge de t'en trouver un. Perdicant. Cela n'est pas difficile, en effet. Allons, Rosette, viens que je te mène à mon père. Camille. Pourquoi ? Cela est inutile. Perdicant. Oui, vous avez raison. Mon père nous recevrait mal. Il faut laisser passer le premier moment de surprise qu'il a éprouvé. Viens avec moi, Rosette. Nous retournerons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas quand je t'épouse. Nous les ferons bien taire. Il sort avec Rosette. Camille. Que se passe-t-il donc en moi ? Il l'emmène d'un air bien tranquille. Oh, cela est singulier. Il me semble que la tête me tourne. Est-ce qu'il l'épouserait ? Tout de bon. Hola ! Dame Pluche ! Dame Pluche ! N'y a-t-il donc personne ici ? Entre un valet. Courez après le seigneur Perdicant. Dites-lui qu'il remonte ici. J'ai à lui parler. Le valet sort. Mais... Oh. Mais qu'est-ce donc que tout cela ? Je n'en puis plus. Mes pieds refusent de me soutenir. Rentre Perdicant. Perdicant. Vous m'avez demandé, Camille. Non. Non. Perdicant. En vérité, vous voilà pâle. Qu'avez-vous à me dire ? Vous m'avez fait rappeler pour me parler. Camille. Non. Non. Oh, Seigneur Dieu, elle sort. Scène 8. Un oratoire. Entre Camille. Elle se jette au pied de l'autel. M'avez-vous abandonnée ? Oh mon Dieu ! Vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père, ne voulez-vous donc plus de moi ? Oh, pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même ? Pourquoi suis-je si faible ? Oh, malheureuse, je ne puis plus prier. Entre Perdicant. Perdicant. Orgueil. Le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi ? La voilà pâle et effrayée qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre ? Camille. Qui m'a suivi ? Qui parle sous cette voûte ? Est-ce toi, Perdicant ? Perdicant, insensé que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille ? Quelle vaine parole ! Quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux ! Lequel de nous a voulu tromper l'autre ? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pécheur céleste. Tu avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme, cet inestimable joyau. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous amenait l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait conduit à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé, nous nous aimons. Il la prend dans ses bras. Camille. Oui, nous nous aimons, Perdicant. Laisse-moi le sentir sur ton cœur.